Quand vous êtes arrivé à Paris, qu'est-ce que vous avez pensé de la situation parce qu'il y avait une migration des Français musulmans Ouais. à Paris. Qu'est-ce que vous avez pensé de la situation? À ce moment-là, je crois que vous êtes arrivé en 57, donc au Ouais. moment où il y a un problème entre les MNA et le FLN à Paris. Bah, ça se massacrait, allègrement. C'est-à-dire, vous pouvez développer? Ben, c'est-à-dire, si vous voulez, le plus simple, c'était le FLN qui dénonçait le MNiste, les MNA comme étant des terroristes. Donc les flics français ramassaient ces gens-là. Et les plus durs de chez les messalistes, ils se faisaient égorger par le FLN, quoi. Le raisonnement de la police à l'époque, tant que c'est des crouilles qui se bousillent entre eux, bon. Donc le FLN a utilisé sciemment la police pour éliminer la MNA à Paris. Sciemment, non, je ne peux pas m'engager à vous dire sciemment, peut-être en haut lieu, peut-être oui, c'est dans les cabinets ministériels que se décident les politiques à adopter. Et moi, j'étais un homme de base. Moi, j'étais braqué. C'est comme ça que vous avez vu Moi, ressentir j'étais cette... braqué FLN, contre le FLN, c'est tout. Les messalistes, pour moi, bon, c'est des gueulards, c'est des gens qui parlaient, bon, il y avait quelques idées qui étaient un peu négociables. Une autre Algérie. Permettre un peu aux musulmans d'accéder à des postes administratifs. Oui, un petit changement, j'étais pas contre. Dans la doctrine du messalisme. Mais bon, pas l'indépendance, pas le départ de la France, pas tout ça. Hein. Quand vous êtes arrivé sur Paris, qui avait la... Donc finalement, c'était le FLN, si je comprends bien, qui avait l'avantage sur la MNA Oui, ou la MNA contrôlait Paris. c'était à l'époque En 57, au moment où vous arrivez. avant 57, c'était le MNA qui gérait. Et quand vous êtes arrivé, C'était le FLN. ça a basculé. Ouais, parce que c'était ils avaient des groupes de choc avec eux. Bon, le messaliste était soit emprisonné par les Français comme étant terroriste, soit tué par le FLN, quoi. Lorsque vous avez été infiltré pour être adjoint du collecteur de fonds, Non, je n'ai pas été infiltré. Moi, je me suis infiltré. vous êtes infiltré. J'ai payé, j'ai commencé à payer comme tout le monde. Ils ont vu que j'ai débarqué. Et c'était vous étiez chez le FLN ou le MLA? Moi, j'ai infiltré le FLN. FLN. Ouais. J'ai lutté contre le FLN. Le MNA, pour moi, c'est des charlots, quoi. C'était des charlots, parce que... Bon, si vous voulez en résumer, le MNA ne tue pas. Ne met pas de bombes. Ne bousille pas des innocents. Eux, c'est des affiches, et beaucoup de meetings clandestins, des trucs, littérature, la doctrine, tout ça, une certaine idéologie. Mais ceux qui tuaient, bon, il fallait arrêter ça. Hein. Donc finalement, vous commencez à cotiser, mais comme quoi, parce que vous reprenez votre métier de taxi Non, ou... non, non, j'étais à Paris, je travaillais au Batignolles sous couverture, j'étais dans les bagages, les colis qu'on expédiait. Et puis au bout de 15 jours, j'étais là à l'hôtel, il y a un gars du FLN qui est venu discuter avec moi, d'où j'étais, originaire, enfin tout ça, quoi. Ça a commencé comme ça. Et comme j'ai eu la chance d'avoir affaire à un analphabète, donc si vous voulez, j'ai la moitié bouffé déjà à la première entrevue. À la deuxième, il m'a demandé de cotiser pour aider le valeureux Front National de Libération. C'était 20 balles, j'ai donné 20 balles. Et j'ai dû cotiser pendant 5-6 mois, puis ils ont vu que j'étais actif. D'après le gars qui m'avait contacté, il avait dit, c'est un gars-là, c'est incapable, c'est un Kabyle, donc automatiquement les Kabyles, soi-disant, c'est des révolutionnaires, d'après lui, quoi. Et donc on m'a demandé de l'aider à lui, le collecteur, et puis j'allais collecter dans mon secteur, il m'avait donné un secteur, je collectais le fonds pour les FLN, pendant 5-6 mois, tout en informant. Les RG, qui payait, enfin tout, j'étais entre deux. Et après, j'étais adjoint, parce que Paris était divisé en secteurs. Et j'étais adjoint au contrôleur financier du secteur du 9 et 18, 18e et 9e, quoi. Voilà. Et Et vous c'est avez tout. continué donc ça au... Oui, j'ai fourni tous les renseignements concernant tous ces individus, quoi. Mais en début 58, vous arrêtez ce travail Je suis rentré. parce que vous êtes grillé là aussi? Non, j'étais pas grillé, mais c'est ma femme qui m'a. Elle avait la nostalgie du pays, les parents, quoi. Donc vous avez décidé de Je retourner. suis retourné, oui.